Chapitre 6e, le messager de guerre. Comme le page finissait sa chanson et que Férimonde et Orlys, silencieux jusque-là, s'apprêtaient à le louer, un grand bruit se fit entendre aux portes du palais et l'on annonça un messager des barbares. Les femmes de la princesse vinrent se ranger derrière elle, les seigneurs derrière le prince, la foule envahissant la salle se rangea sur les côtés, l'homme fut introduit. Il était de haute taille et farouche, avec des yeux d'aigle et un nez d'oiseau de proie. Des cicatrices profondes entaillaient son teint basané. Il roulait des yeux fauves sur les molles splendeurs qui l'entouraient, les richesses du palais, l'éclat des seigneurs parés d'or et de soie, la beauté des vierges pures. Il tenait en main une lance aiguë et un bouclier. Un sabre courbe pendait à ses flancs. Sa ceinture se hérissait de couteaux, et la robe qu'il portait sous son manteau flottant était rouge comme un tablier de boucher. Il sentait la mort et le sang. « Homme qui m'écoutait, dit-il, mon maître m'envoie vous sommer de rendre l'île, car elle lui appartient du droit des forts. Si vous n'y consentez, et nous vous rendez comme esclaves, nous viendrons avec le fer et le feu, nous anéantirons votre palais, nous violerons les femmes, nous empalerons les hommes, l'incendie couvrira la mer, et il ne restera de l'île que des cendres. Demain, à pareille heure, choisissez. » À mesure que le messager parlait, un sourire ambigu se dessinait sur les lèvres du prince et de la princesse et gagnait, par contagion, le visage des vierges, des seigneurs et des autres sujets. Ces menaces, au lieu de les effrayer, leur produisaient un effet plaisant, inattendu et surtout le mot « choisissez » leur parut d'un bouffon extraordinaire. « Nous proposer à nous, » pensait Orlys, Férimonde et tous les autres, « à nous, qui pouvons à notre gré nous affranchir de la vie par une douce mort, nous proposer de choisir, et quoi, un esclavage abominable ou les tortures les plus cruelles ?»« Nous violer, » se disaient les vierges, « nous empaler, » ricanaient les seigneurs. Cela leur sembla tellement saugrenu, tellement grotesque et tellement ridicule, qu'ils se continrent d'abord, puis, que n'y pouvant tenir, ils partirent tous ensemble d'un éclat de rire violent, nerveux, irrésistible. Les larmes vinrent aux beaux yeux de Férimonde, Orlys se renversait dans son fauteuil. Le page riait comme un enfant, les vierges pouffaient ainsi que des folles, les seigneurs montraient les mailles de leurs dents blanches, et le reste des gens se tenaient les côtes. Le messager, qui ne s'attendait pas à ce que son éloquence produisît un tel effet, resta béant, avec une telle expression de stupidité que les rires fusèrent de plus belle. Alors il entra dans une grande fureur, trépigna et blasphéma le nom d'Allah. Mais ce transport ne servit qu'à rendre la gaieté plus convulsive. « Ah !» disait Férimonde, d'une voix entrecoupée, « cela fait mal, de t'en rire. Qu'on m'ôte, bégayait Orlys, ce magot de devant les yeux. Et quelle réponse ferais-je à mon maître? S'écria le messager, rouge de fureur, et d'une voix si retentissante que les vitraux du palais tremblèrent et que les hirondelles s'envolèrent. Là, le rire devint interminable, colossal, fou. Quelle réponse? Osait-il dire, quelle réponse? À une proposition pareille? Devenir esclave ou être empalé ou violé selon le sexe, tant d'outrecuidance passait l'invraisemblable. Aussi, ne pouvant plus se contraindre, les seigneurs se renvoyèrent de l'un à l'autre le messager comme un volant entre des raquettes. On le poussa, tournoyant comme balle aux toupies sans qu'il pût résister, des seigneurs aux serviteurs, des serviteurs aux laboureurs, des laboureurs aux pêcheurs, et ceux-ci le rejetèrent dans la barque qu'il avait amenée et qu'il remporta, étourdi et berné, aux rires inextinguibles de l'île.